La vie pas qu'à marcher, et pour ça faire mounje, c'est l'argent qu'à dépenser. Ti fi passe à dormir, il a qu'à réfléchir, avant la vie finie, mon époux sa guini. Coûter ça manque à dire, à quoi tout dire.